change de toi, m'en vais de chez moi. La grandeur de ma patrie, je lève les couleurs, salue pendant des heures. Ne me demandez pas où je suis dans la foule, porté par la rue. Comme un tas de mecs, je retrouve ici, à demander pourquoi, pourquoi je suis là. Vous voulez pas, si mes idéaux sont un peu plus hauts que ces conneries-là. Je suis pas un héros, je cherche pas un troupeau, ne m'en voulez pas. Thank you.